Nous serons toujours deux à se mettre en avant, à rigoler un peu de ce qui nous attend. Nous serons toujours deux à se croire émouvant, à chanter dans le vent en se parlant tendrement. Nous serons toujours mieux que ceux qui se croient vieux, qui rentrent dans le rang et qui sombrent lentement. Nous serons toujours deux, c'est le plus important, car quand on est à deux, le temps passe autrement. Nous serons toujours deux, et c'est bien plus marrant.